soirée. Merci d'écouter régulièrement Espace à La Feuillie. Il est précisément 18h. Tout de suite, un point d'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron aux Gilets jaunes, le 10 décembre, le projet de loi concrétisant les mesures promises a été présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Le gouvernement a défendu sa politique devant l'Assemblée nationale. Édouard Philippe a assuré que toute personne qui ne dispose que du SMIC pour vivre toucherait 100 euros net de plus à partir de janvier. Le gouvernement promet ensuite des décisions très concrètes avant mi-avril. Soulagement pour les employés de la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. La chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a validé aujourd'hui la reprise du site par le groupe franco-belge Altifort, qui était le seul candidat. La scierie emploie 280 salariés. La reprise de l'entreprise préserve non seulement les emplois d'Ascoval, les 1000 emplois indirects au niveau de la région, mais devrait en créer 140 nouveaux en 2 ans sur le site de Saint-Saulve. S'est réjoui le PDG d'Ascoval, Cédric Orban, dans un communiqué. 3 personnes ont été blessées par balle à Vaison-la-Romaine, un petit village provençal situé dans le Vaucluse à 30 km au nord-est d'Orange. Le tireur a fait irruption dans un café de la place Montfort vers 13h. Il a ouvert le feu sur 3 personnes, dont 2 d'une même famille. Ces blessés ont été pris en charge par les pompiers et hospitalisés. Le tireur s'est rendu aux gendarmes. Le maire de la commune évoque une affaire privée. La famille de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg, a demandé à ce que son corps soit inhumé en Algérie, selon les services de l'Eurométropole de Strasbourg. Le lieu d'enterrement de l'auteur de l'attentat du marché de Noël fait l'objet de débats. Hier, le premier adjoint de la ville, Alain Fontanel, affirmait que la sépulture du terroriste n'avait pas sa place à Strasbourg, une position partagée par le maire Roland Ris. La Maison-Blanche pourrait annoncer sous peu le départ de toutes les troupes américaines actuellement présentes en Syrie. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a affirmé que ce déploiement n'avait plus de raison d'être. Un retrait total de l'ensemble du pays interviendra aussi rapidement que possible, a indiqué un responsable américain à l'AFP. Enfin, avec la sortie d'un clip, l'association Urgence Homophobie lance aujourd'hui une campagne pour dénoncer les violences contre les homosexuels et les lesbiennes. D'ailleurs, plusieurs personnalités, dont Vincent Dedienne, l'animateur Christophe Beaugrand ou le chanteur Christophe Willem, ont partagé des témoignages d'agressions sur les réseaux sociaux. Normande des radios. Ludo, 17h-19h. Allez, c'est reparti pour une nouvelle heure. Mini Blanco avec Eye for New, mais tout de suite David Guetta avec un Say My Name. L'After School d'Espace. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then Escucha como digo tu nombre, desde Medellín hasta Londres.

retrouverez ces sons et cette ambiance avec Manu dès 21h pour Funky Mix. J'espère que tout va bien. Excellente fin d'après-midi. À l'instant, Odyssée avec un Going Back to My Roots. 18h30, tout de suite, un nouveau point d'actualité local et régional sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Les évacuations par les forces de l'ordre de Rond-Point se sont poursuivies encore aujourd'hui, notamment à l'entrée du marché d'intérêt national Armand ou encore à Pont-Audemer, Lisieux, Les Andelys, Gaillon ou Fleury-sur-Andelle. Les Gilets jaunes de Brionne ont, eux, décidé collectivement de nettoyer ce matin le Rond-Point de la Lune qu'ils occupaient depuis le 17 novembre. À prier de partir également du Rond-Point de la Heunière, les manifestants se sont postés ce matin au Rond-Point de la Demi-Lune, toujours à Vernon. Et puis au Neubourg, délogés de leur Rond-Point lundi, les Gilets jaunes étaient présent encore sur le marché ce matin pour proposer aux passants de signer une pétition pour demander la possibilité d'organiser le référendum d'initiative citoyenne en France. Même pétition à Lisieux et à Audricourt. Des enseignants de lycée qui s'opposent aux réformes du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, se sont rassemblés cet après-midi devant le rectorat de Rouen. Une délégation a été reçue. Les enseignants songent déjà à d'autres actions, y compris à une grève reconductible. On attend le verdict dans le procès de Denis Manéchet, ce père incestueux de 56 ans poursuivi pour homicide volontaire avec préméditation sur sa fille de 33 ans qui était aussi sa compagne et pour le meurtre de l'employeur de la jeune femme, le gérant d'un garage à Gisors. Les faits se sont déroulés en 2014. Hier, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise. La mairie de Vernon a porté plainte aujourd'hui après avoir découvert ce matin une nappe de gazole dans la Seine au niveau du pont Clémenceau. D'après la ville, c'est une péniche qui aurait dégazé, des actes inqualifiables selon la mairie. Une offre de reprise de la part du groupe Vivalto de l'activité de chirurgie de cancérologie de la clinique des Aubépines à Dieppe ne sauverait qu'un tiers des salariés, soit 12 à 15 personnes. Mais ce projet de reprise partielle est également soumis au transfert de l'agrément en cancérologie des Aubépines vers l'autre clinique privée, à savoir Mégival. Aucune solution n'a en revanche été trouvée pour sauver la maternité. Et puis à présent, on prend la route avec la maraude du SAMU social dans l'Oise. Le reportage d'Alexandre Lénaud. Une trentaine de bénévoles et une dizaine de salariés, assistantes sociales ou infirmiers, partent à la rencontre des plus démunis quotidiennement. Écoutez Steven Duval, directeur du SAMU social de l'Oise. Nous, on a des camionnettes qui permettent effectivement d'aller à leur rencontre. Soit ils ont déjà appelé le 115, donc c'est eux qui font la demande, ou tout simplement c'est nous qui les rencontrons en maraude. Et ensuite, il y a un contact qui se fait autour souvent d'une boisson chaude. Café, soupe, chocolat, ce qui permet effectivement d'entrer en contact avec les personnes. Et ensuite, il y a une évaluation sociale qui est faite. Alors parfois, ça se fait tout de suite parce que la personne accepte de discuter, ou parfois ça se fait sur plusieurs jours, sur du long terme, pour que la personne puisse se livrer plus facilement. Les profils des personnes rencontrées par les bénévoles du SAMU social sont différents, notamment depuis la crise migratoire. Sur 110 personnes qu'on rencontre chaque soir dans le département, 60-70 personnes représentent des migrants. La Géorgie, le Congo, on a un petit peu toutes les nationalités. À Beauvais, la maraude du SAMU social accueille lors de points fixes, notamment. C'est la gare et le lycée Félix-Fort. Et après, le reste, ce sont sur signalement. Après, on a des gens un petit peu partout. Et puis, je vous rappelle le numéro 115 pour toute personne sans abri dans la rue. Côté sport, en football, en huitième de finale de la Coupe de la Ligue, Le Havre de Ligue 2 reçoit ce soir Nîmes de Ligue 1. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie, avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, quelques belles éclaircies qui seront toutefois dominées à la mi-journée par des passages nuageux et pluvieux. Le thermomètre à 9 degrés sur le Beauvaisis ou encore le Pays de Bray, le plateau du Neubourg et la vallée Rille-Charentonne grimpera jusqu'à 10 degrés sur les Andelys, Vernon, Évreux, Louviers, Val-de-Reuil ou Rouen. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 6, 7 degrés. Alors je vous parle, indice de l'air avec Atmo Normandie, j'ai 3 et 4 partout, c'est nickel. On attaque cette nouvelle demi-heure avec un Sound of Legend sur Espace.

Mais également dans tout le pays de Brest, c'était Feder avec Control. Bonne préparation de vos fêtes de fin d'année et restez bien à l'écoute de cette radio car le Père Noël Espace va continuer à distribuer ses super cadeaux. Avant 19h, dans la catégorie des sons que vous choisissez, nous écouterons ça. Comme un avion sans Charles et les coutures comme un avion sans aile en intégralité juste après la Proc TV. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le mercredi 19 décembre. Ce soir sur TF1, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Série géniale réalisée par Jean-Jacques Hano. J'ai écouté son interview là cette semaine où il a parlé de ce tournage. Il explique qu'il a kiffé de tourner comme au cinéma pour la télé et la preuve et le résultat, c'est top. Hein. Bon les filles, comme d'hab, hein, Patrick sera là. Ouais, le docteur Mamo, arrêtez de frétiller comme ça, c'est gênant à regarder. Hein. France 2, la soirée Mystère A continue sa petite vie. Ce soir nous allons à la Sorbonne, hein, les amis, non pas la Sorbonne de votre pote, la Sorbonne, l'école, et en plus c'est un inédit. France 3, Marseille, Strasbourg, c'est du foot, un match de la Coupe de la Ligue, j'y comprends rien et j'ai même pas envie d'apprendre, moi j'aime l'Ovalie. 23h35, réseau d'enquête, et là même si ça parle de foot, cela peut m'intéresser, le sport à la vie, à la mort. Canal, Jean-Paul Gaultier, fric et chic. Bon là il a pris la direction d'une grande comédie musicale, mais façon Gaultier, hein, donc il va y avoir de la plume, hein, de la paillette, généralement, les looks de Gaultier n'en vont pas à tout le monde, moi par exemple, ça ne me va pas au teint, c'est trop flashy. Arte, Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, classique du cinéma français. On connaît tout ça par cœur, hein, surtout si on vous a forcé à apprendre ça, la grande tirade du nez à l'école. M6, scène de ménage est en prime avec tous les couples et ce sont bien sûr des inédits. Le meilleur de la TNT, C8, une soirée spéciale Baba en Laponie à la recherche du Père Noël. RMC Découverte, c'est le retour de Top Gear France avec uniquement des inédits si vous êtes fan de bagnole. Très bonne émission. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. 19h d'Orion l'Afterwork, 21h Funky Mix avec Manu. Pour ma part, je vous embrasse. Rencard demain dès 17h pour de nouvelles aventures dans l'After School avec le Père Noël. Voici Charlie Couture avec Comme un avion sans elle. Ciao. Toute la nuit. Et même si crever qu'un danseur. Oh, il fait lourd. Et grande, grande nuit blanche. Et grande, grande nuit d'orage. Le tonnerre tombe, mais y a pas d'éclair. La voix du vent et qui se glisse sous la porte. Écoute, on va changer de lit, changer d'amour, changer de vie, changer de jour. T'endors sous mon piano. Et quand je joue, oh, oh, oh, oh, oh, libellule. Et toi t'as les ailes fragiles. La compagnie, bonsoir, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. C'est le mercredi 19 décembre, il est 19h les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Une semaine après les annonces d'Emmanuel Macron aux Gilets jaunes le 10 décembre, le projet de loi concrétisant les mesures promises a été présenté aujourd'hui au Conseil des ministres. Le gouvernement a défendu sa politique devant l'Assemblée nationale. Édouard Philippe a assuré que toute personne qui ne dispose que du SMIC pour vivre toucherait bien 100 euros net de plus à partir de janvier. Le gouvernement promet ensuite des décisions très concrètes avant mi-avril. La famille de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg, a demandé à ce que son corps soit inhumé en Algérie, selon les services de l'Eurométropole de Strasbourg. Le lieu d'enterrement de l'auteur de l'attentat du marché de Noël fait l'objet de débats. Hier, le premier adjoint de la ville, Alain Fontanelle, affirmait que la sépulture du terroriste n'avait pas sa place à Strasbourg, une position partagée par le maire Roland Ries. Une centaine de plaignants ont déposé mercredi 12 décembre une assignation en justice auprès du tribunal de grande instance de Paris pour demander l'annulation du brevet de la nouvelle formule du Levothyrox de Merck. L'assignation conteste le brevet pour insuffisance de l'exposé de l'invention, défaut de nouveauté et défaut d'activité inventive. Selon le texte, les plaignants estiment subir de plein fouet la stratégie de Merck. Le Levothyrox, un médicament soignant la thyroïde, est accusé de graves effets secondaires et a fait l'objet de plusieurs centaines de plaintes émanant de plusieurs milliers de patients dénonçant les effets indésirables de la nouvelle formule tels que crampes, maux de tête, vertiges ou perte de cheveux. La Maison-Blanche pourrait annoncer sous peu le départ de toutes les troupes américaines actuellement présentes en Syrie. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a affirmé que ce déploiement n'avait plus de raison d'être. Un retrait total de l'ensemble du pays interviendra aussi rapidement que possible, a indiqué un responsable américain. Nous avons vaincu le groupe État islamique en Syrie. La seule raison pour moi pour laquelle nous étions présents pendant la présidence Trump, a expliqué de son côté le président américain sur Twitter. Au moins 2000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie pour combattre le groupe djihadiste. Enfin, Mathieu Febvre a arraché la troisième place du slalom géant de Saalbach en Autriche. Huitième de la première manche dans la matinée, le skieur d'Isola 2000 a réalisé une deuxième manche impeccable. Il monte pour la cinquième fois de sa carrière sur un podium de Coupe du Monde. Sur la plus normande des radios, Dorian. Allez, comme tous les jours, on est reparti pour deux heures de détente ensemble dans l'Afterwork. Espace, plus de son, plus de tubes. Et l'Afterwork de ce mercredi débute maintenant avec Benny Blanco, I Found You. Passez une très belle soirée. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move? How can I say what I believe in if I only believe in you? I travel many roads, but I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. found you. Cause I found you. I found you. Cause I found you. Without you. Une flamme intemporelle. Un peu beaucoup no way without you.

Tout de suite, le retour des sons et des tubes sur Espace. Bonsoir tout le monde, c'est mercredi le 19 décembre et c'est reparti pour une nouvelle sélection Espace avec ce soir à Rouen des 20h à la chapelle Corneille, un voyage d'hiver. On se dirige ensuite au théâtre à l'Ouest, toujours à 20h pour Giovanni et son spectacle L'univers est grand, le sien est compliqué, au théâtre des Deux Rives, Le monde renversé, au théâtre des Arts, Les parapluies de Cherbourg et à 21h au Soap Jazz en gare numéro 9, Stefano Quartet pour un hommage à Claude Nougaro et Red Charles. Le marché de Noël de Rouen, ça se poursuit dans le cadre de Rouen Givré, c'est jusqu'au 6 janvier sur la place de la cathédrale et dans la rue des Carmes tous les jours, mais également la patinoire et la grande roue, place du Vieux Marché, la maison du Père Noël, place de la Grand-Mare et plein d'autres choses, notamment l'arbre à vœux également au carrefour de la Crosse. Le programme complet sur rouen.fr. Le Zénith de Rouen reprendra de l'activité le 4 janvier 2019 pour le spectacle Music of Abba et pour finir le marché de Noël d'Honfleur vous accueille jusqu'au 6 janvier également tous les jours de 10h à 19h sur la place de l'Hôtel de Ville. Laissez-nous vos messages au 0 950 35 50 50. Passez une très belle soirée sur Espace. I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. L'avenir, on a peur, on voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser.

dans ce morceau-là quand même, Edwin Dunclay, OK Fouet dans Mode Souvenir ce soir dans l'Afterwork. Bonne soirée, soyez prudents sur les routes. Bon retour chez vous, et vous le savez, les marchés de Noël se poursuivent, notamment celui de Beauvais, c'est jusqu'au 31 décembre. Allez, 19h30, voici l'actu locale et régionale avec la rédac. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Denis Manichet vient d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Les jurés de la cour d'assises de l'Eure ont finalement suivi les réquisitions du procureur de la République. Le père incestueux de 56 ans est donc reconnu coupable de l'assassinat de sa fille âgée de 33 ans et qui était aussi sa compagne, et du meurtre de l'employeur de la jeune femme, le gérant d'un garage à Gisors. Avant que le jury ne parte délibérer, le prévenu, gravement handicapé depuis sa tentative de suicide le jour des faits en 2014, avait affirmé qu'il ne ferait pas appel du verdict. Les évacuations par les forces de l'ordre de Rond-Point se sont poursuivies encore aujourd'hui, notamment à l'entrée du marché d'intérêt national Armand ou encore à Pont-de-Mer, Lisieux, Les Andelys, Gaillon ou Fleury-sur-Andelle. Les Gilets jaunes de Brionne ont, eux, décidé collectivement de nettoyer ce matin le rond-point de la Lune qu'ils occupaient depuis le 17 novembre. Priés de partir également du rond-point de la Heunière, les manifestants se sont postés ce matin au rond-point de la Demi-Lune, toujours à Vernon, et puis au Neubourg, délogés de leur rond-point lundi. Les Gilets jaunes étaient présents encore sur le marché ce matin pour proposer aux passants de signer une pétition pour demander la possibilité d'organiser le référendum d'initiative citoyenne en France. Même pétition à Lisieux et à Audricourt. Des enseignants de lycée qui s'opposent aux réformes du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, se sont rassemblés cet après-midi devant le rectorat de Rouen. Une délégation a été reçue. Les enseignants songent déjà à d'autres actions, y compris à une grève reconductible. Rassemblement ce soir devant l'hôtel d'agglomération à Évreux, des opposants au projet de parc de loisirs sur le thème des Vikings à l'occasion d'un conseil communautaire. Le dossier porté par l'agglomération Évreux-Porte de Normandie est évalué à 80 millions d'euros, s'étendrait sur 55 hectares entre Gauville-la-Campagne et Parville. Écoutez Hélène, membre du collectif appelé Non au parc Viking à nos portes, un parc initialement simplement culturel. Très vite, ils se sont aperçus que forcément le culturel, c'était pas très rentable, il faut mettre des manèges à sensation. Alors certes, les manèges ne font pas énormément de bruit, mais les gens qui montent dans les manèges, oui. Parce qu'en fait, les gens crient, quoi. On entend déjà la nationale qui est à plus d'un kilomètre. Là, le parc, il serait à 250 mètres de nos habitations. On aura le son et la vue. Les opposants ont déjà rencontré Guy Lefranc, le président de l'agglo, pour lui faire part de leur doléance. Réponse de l'élu. À Gauville, on avait tous les avantages sans les inconvénients. Ça laisse sous-entendre qu'il a nous amené quelques inconvénients. Les opposants, dont les maires de Gauville, la campagne et Parville, mettent en avant également la saturation du trafic routier, les impacts écologiques, le risque financier de l'opération, mais aussi l'expropriation d'un agriculteur. Un agriculteur qui a besoin de ses terres pour pouvoir continuer à vivre de son exploitation. Le collectif Non au parc Viking à nos portes regroupe 300 personnes. La pétition lancée contre le projet a déjà recueilli 2000 signatures. Une offre de reprise de la part du groupe Vivalto de l'activité de chirurgie de cancérologie de la clinique des Aubépines à Dieppe ne sauverait qu'un tiers des salariés, soit 12 à 15 personnes. Mais ce projet de reprise partielle est également soumis au transfert de l'agrément en cancérologie des Aubépines vers l'autre clinique privée, à savoir Mégival. Aucune solution n'a en revanche été trouvée pour sauver la maternité. Côté sport, en football, en huitième de finale de la Coupe de la Ligue, Le Havre de Ligue 2 reçoit ce soir Nîmes de Ligue 1. Et puis, je vous retrouve dans un instant pour faire le point sur les prévisions météo pour demain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Pour demain, quelques belles éclaircies qui seront toutefois dominées à la mi-journée par des passages nuageux et pluvieux. Le thermomètre à 9 degrés sur le Beauvaisis ou encore le Pays de Bray, le plateau du Neubourg et la vallée Rille-Charentonne grimpera jusqu'à 10 degrés sur les Andelys, Vernon, Évreux, Louviers, Val-de-Reuil ou Rouen. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Les nuages sont de retour demain et on continue de se couvrir pour éviter de choper la crève. Merci Eric, à tout à l'heure, 19h34, nouvelle demi-heure ensemble avec Sound of Legend dans le Zad Secardon.

acceptez votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Toute l'équipe d'Espace vous souhaite un joyeux Noël. Bonne soirée tout le monde et joyeuses fêtes de la part de toute l'équipe d'Espace. Avant 20h, mode souvenir. Enfin, mode souvenir, mode Noël plutôt. Mariah Carey, All I Want For Christmas. Don't want a lot for Christmas. You.